السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله من خلقه، صلوات الله وسلامه عليه. وبعد، فهذا درسنا الثاني من قراءة رسالة ابن رجب رحمه الله تعالى في ذم قسوة القلوب أو القلب وأسبابها وما تزول به. Voici le deuxième cours, la lecture et l'explication du livre d'Ibn Rajab rahimahullah ta'ala, le blâme de la dureté du cœur, ses causes et comment faire disparaître cela. Et hier, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous avions commencé ce cours et étudié quelques points concernant, ou bien à titre d'introduction, concernant les maladies du cœur, la dureté du cœur. Qu'est-ce que nous résume ce que nous avons vu hier? Ndaman, qu'est-ce qui nous résume le cours dans l'ordre? Rabba Sufyan wa Farakallah. Les maladies se divisent en deux. Ou bien les maladies du cœur. Naam. Il y a les ambiguïtés, et ça c'est dû à une mauvaise perception de la science. Et il y a maradou al-shubuha al-shahawat, les maladies, les passions, et ça c'est dû à un problème dans l'action. Et souvent chez les gens de l'innovation, ceux qui ont marad al-shubuhat, il y a aussi avec maradou al-shahawat. Naam. On a vu l'importance d'étudier ce sujet. Naam. On a vu l'importance d'étudier ce sujet sous plusieurs points. Lesquels? Naam. القلب ملك الأعضاء والأعضاء جنوده. Le cœur, c'est le maître des membres. C'est celui qui commande et affecte le reste des membres. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. Le prophète عليه الصلاة والسلام nous dit, il y a dans le corps un morceau de chair, s'il est bon tout le reste du corps le sera, et s'il est mauvais tout le reste du corps le sera. C'est le cœur. Naam. Le cœur peut virer très très vite, peut s'égarer très très vite. Naam. L'endroit du regard d'Allah subhanahu wa ta'ala sur l'être, c'est son cœur. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa la ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Certes, Allah ne regarde pas vos corps, ni vos apparences, mais il regarde plutôt vos cœurs et vos actions. C'est-à-dire qu'il ne regarde pas si tu es grand, si tu es petit, si tu as telle ou telle couleur, ni l'apparence physique. L'apparence physique, ça n'est pas, comme explique Ibn Athim rahimahullah ta'ala dans l'explication des riyad du salihin, ça n'est pas du tout avec cela que tu as un lien avec Allah subhanahu wa ta'ala, mais c'est plutôt avec l'état de ton cœur et les actions. Naam. Mais les actions, il ne faut pas comprendre, comme tente de propager les faibles dans leur religion, ou bien ceux qui ont carrément des ambiguïtés ou sont dans l'innovation pour se trouver des excuses, ils essayent d'utiliser ce hadith et l'expliquent contrairement à la manière dont le fait les peu prédécesseurs ou les ulama, et ils essayent de faire entrer dans l'apparence Naam. Et le corps, le fait de laisser là-bas, ou le fait que la femme porte le hijab, et ainsi de suite. هذا الكلام من أبطل الباطل. Cette parole, elle est totalement fausse. Elle contredit le, et la réfutation est dans le hadith même. Il suffit de continuer le hadith. Mais bizarrement, il s'arrête avant la fin du hadith, ceux qui tentent de faire cela. ولكن ينظر إلى قلوبكم. Mais il regarde vos cœurs, وأعمالكم, et vos actions. وهذا من العمل الصالح. Et ceci fait partie des bonnes actions. Ceci fait partie des bonnes actions. Naam. On ne peut dire que la personne fait toutes les mauvaises actions et au final elle dit « moi j'ai un cœur propre et ce qui compte c'est ce qu'il y a dans le cœur ». Non, si son cœur avait été propre, cela se serait répercuté sur les membres. Car comme nous l'avons cité, le cœur est le maître des membres. Donc celui qui a un cœur propre, ça va se répercuter sur ses membres. Et celui qui a un cœur malade, ça va se répercuter sur ses membres et sur ses actions. Donc celui qui dit ce qui compte, c'est ce qu'il y a dans le cœur, puis fait de mauvaises actions, c'est le premier témoin contre sa propre personne. Naam. Tayyib. Ensuite. Naam. La récompense dépend de l'état du cœur de la personne au moment où il fait son action. Naam. Le prophète alayhi salatu wassalam avait le meilleur des cœurs. Malgré ça, il invoquait Allah azza wa jal wa as'aluka qalban saliman. Il demandait à Allah azza wa jal d'avoir un cœur saint. Il cherchait aussi protection auprès d'Allah afin de ne pas avoir un cœur qui ne réagit pas au rappel. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعَ. Il demandait à Allah Azza wa Jal protection contre le fait d'avoir un cœur naam, qui ne s'humilie pas, qui ne réagit pas au rappel. وَهُوَ أَفْضَلُ النَّاسِ وَأَزْكَاهُمْ قَلْبًا. Alors que c'est celui qui avait le meilleur des cœurs, alayhi salatu wassalam. Et comme Allah lui dit dans le Coran, يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Le jour où nulle richesse, nul enfant ne sera d'aucune ne sera profitable, sauf celui qui vient avec un cœur salim, avec un cœur saint, un cœur purifié du polythéisme, des innovations et des péchés. Naam. القلب به تعبد ربك وتتدبر آياته وكلامه سبحانه وتعالى. Avec ton cœur, tu vas pouvoir adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Avec ton cœur, tu vas pouvoir adorer Allah subhanahu wa ta'ala. العبادة, l'adoration, c'est quoi? قال ابن تيمية رحمه الله تعالى هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala nous dit, l'adoration, c'est un nom général englobant tout ce qu'Allah aime et agrée comme parole et action, que cela soit apparent ou caché. Naam. Les actions intérieures, c'est quoi? C'est les actions du cœur. C'est les actions du cœur, l'amour, la crainte, l'espoir et ainsi de suite. Aussi, tu vas pouvoir méditer le Coran, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans Suratul Hajj, le verset 46, فَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّا لَا تَعْمَ الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَ الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne dans le Coran que ce qui devient aveugle, ça n'est pas la vue. Yani, tu fais le rappel aux gens, ils entendent, ils voient. Mais yani, si le cœur est voilé et aveugle, ils ne pourront pas tirer profit de tes enseignements. أَفَلَا تَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. Dans un autre verset, c'est celui que je voulais citer à la base. Est-ce qu'ils ne méditent pas le Coran ou bien ont-ils des cadenas sur leur cœur? Donc par quelle chose tu vas pouvoir méditer la parole d'Allah Azza wa Jal? Avec ton qalb, avec ton cœur. Et s'il n'y avait que cela comme mérite du cœur vivant, que le fait de pouvoir comprendre et méditer la parole d'Allah Azza wa Jal, cela serait suffisant pour qu'on accorde la plus grande importance à ce cœur. Naam, pour pouvoir comprendre ce qu'Allah Azza wa Jal nous a cité dans le Coran. Wa ala al-qalb, Ibn Athaymin rahimahullah ta'ala ajoute, wa ala ma fi al-qalb yakunu al-jaza yawm al-qiyamah. Ibn Athaymin rahimahullah ta'ala nous dit, et c'est selon ce que contient le cœur que tu seras jugé ou bien rétribué le jour du jugement dernier. C'est selon ce que contenait le cœur que tu seras jugé, que tu seras rétribué yawm al-qiyam. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, yawma tubla as-sarair, le jour où les choses cachées seront rendues apparentes. Naam, et dans l'autre verset, wa husila ma fi as-sudur, le contenu des cœurs sera dévoilé. Quel jour? Yawm al-qiyam. Al-aqaid, les croyances et ce qui était dans les qulub, dans les cœurs. Et comme dans le hadith que nous avons cité, inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa la ila asadikum wa lakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tout cela nous appelle à une grande obligation, islah al-qulub. Tout cela nous appelle à une grande obligation, la réforme de nos cœurs. Est-ce qu'on avait cité hier que as-sayru ila Allah wa bil qalb, la bil aqdam, que la personne voyage et se dirige vers Allah et tente d'obtenir son agrément, na'am, avec son cœur, pas avec ses pieds. On a cité cela hier ou pas? Oh non. Non. Donc vous le notez, as-sayru ila Allah wa bil qalb. Que veut dire as-sayr? As-sayr, c'est le chemin que tu empruntes. Na'am. Le chemin que tu empruntes. Fi dunya, dans ce bas monde, tu es un voyageur. Alaysa kadhalik, n'est-ce pas? Dans ce bas monde, tu n'es qu'un passant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abdullah ibn Omar, soit dans ce bas monde comme un étranger ou un passant. Toi, dans ce bas monde, tu n'es qu'en voyage. Tu n'es pas ici et tu ne resteras pas, yani tu n'es pas ici pour rester éternellement. Tu es dans une demeure où tu vas être éprouvé. Tu vas être éprouvé. Alif lam mim, ahasib an-nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. فَالْآيَةُ فِي هَذَا الْبَابِ كَثِيرَةٌ. Dans le Coran, Allah nous enseigne que nous sommes fait dunya pour être éprouvés. Tu n'es pas sur une terre de repos. Tu veux le repos, il te faut te fatiguer fi dunya pour avoir le repos éternel fi jannah. Même après la fatigue, Allah Azza wa Jalla dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, fa idha faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Naam. Donc dans ce bas monde, tu es sur une terre d'épreuve. Tu es sur une terre d'épreuve. Tu as été créé pour unifier Allah Azza wa Jalla d'un culte sincère, le connaître et être éprouvé fi dunya. Et la finalité de ce voyage, c'est pour le croyant al-Jannah, où il goûtera le repos. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas goûté au repos durant son vivant. Naam. Avant même de venir au monde, il a perdu son père, puis il est venu au monde, il a perdu sa mère, il a été recueilli par son grand-père est décédé. Naam. Puis son oncle, puis son épouse, puis ses filles. Puis il a été banni de la Mecque, agressé, yani toute sa ville a été éprouvée. Parce que c'est la personne la plus aimée chez Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui est aimé chez Allah, Allah l'éprouve. Pour le purifier, pour l'élever. Fi dunya wa l'akhirah. Naam. Et si on remonte bien plus loin, on verra que notre père Adam, puis celle qui a été créée pour lui, Hawa, notre mère, était fil jannah. Suite à une désobéissance, puis ils sont revenus à Allah Azza wa Jal repentant, Allah Azza wa Jal les a mis fi dunya. ben toi tu veux retourner dans ta demeure, tu es fait dunya, tu as été éprouvé. Et la finalité c'est que si tu réussis ton épreuve, tu retourneras fil jannah. Donc anta gharib, anta fi sayr, tu es sur un chemin, tu es un étranger. Et même après ta mort, dans ta tombe, tu n'es que de passage. Lisez surat al-takathur. Allah nous a-t-il pas dit hatta zurtumul maqabir, jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. Na'am, al-ziyara. On a utilisé le terme la visite. Pourquoi? Parce que ça n'est qu'un passage. Il y a encore une suite. Il y a encore une suite jusqu'à ce que les gens du paradis entrent au paradis et les gens de l'enfer entrent en enfer. As'alullah subhanahu wa ta'ala bi asma'il husna wa sifatil 'ula li wa lakum al-jannah wa na'udhu billahi minan nar. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit as-sayr ila Allah huwa bil qalb. Tu te diriges vers Allah avec ton cœur, pas avec tes pieds. La force de tes pas, de ton déplacement et la vitesse que tu as à te diriger vers Allah Azza wa Jal, elle ne dépend pas de ta force physique. Elle ne dépend pas de la santé de tes jambes. Mais plutôt de l'état de ton cœur après l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hada muhimmun jiddan, c'est très important de comprendre cela. Naam. Il se peut qu'une personne soit en chaise roulante. Et il est bien plus rapide que nous. Et qu'il soit bien plus rapide que nous. Naam. Alors qu'Allah Azza wa Jalla nous a accordé de quoi nous déplacer. Wallahu al-musta'an. Car l'handicapé, réellement, c'est celui dont les péchés ont empêché. Celui dont les péchés, naam, lui ont empêché de se diriger vers Allah subhanahu wa ta'ala et d'aller vers son adoration. Comme l'a expliqué le Cheikh Abdul Razak Hamidahullah. Ta'ala. Donc voici un point en plus. Et dans un poème, Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala dit قَطْعُ الْمَسَافَةِ بِالْقُلُوبِ إِلَا أَوْ قَطْعُ الْمَسَافَةِ بِالْقُلُوبِ إِلَيْهِ لَا بِالسَّيْرِ فَوْقَ مَقَاعِدِ الرُّكْبَانِ. Ibn Rajab nous dit فَإِنَّ السَّفَرِ أو فَإِنَّ سَفَرَ الْآخِرَةِ يُقْطَعُ بِسَيْرِ الْقُلُوبِ لَا بِسَيْرِ الْأَبْدَانِ. Ibn Rajab nous dit, et certes, le voyage pour se diriger vers l'au-delà se fait avec les cœurs et non pas avec les corps. Donc celui qui réussira le plus, celui qui réussira le plus, yawm al-qiyam, et ça peut être un autre point, et celui qui a un cœur salim, comme on l'a cité dans le verset de Sourate Shu'ara, verset 88-89, yawm al-anfa'u malun wa la banun illa man atallaha bi qalbin salim. Un autre point, le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait à Allah un cœur sain. Parce qu'on avait cité autre chose. Naam. Oui. On avait expliqué également le sens de qaswatul quloub. Et j'avais dit hier que c'est la parole de Ash-Shawkani, c'est ça? Corrigé, c'est la parole de l'imam Al-Qurtubi, Al-Mufassir. C'est la parole de l'imam Al-Qurtubi. Un grand savant, l'explication du Coran. قال المؤلف رحمه الله تعالى. Nous avons commencé la lecture de cette épître. قال العلام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى رسالة في ذم قسوة القلب وأسبابها وما تزول به. أما ذم القسوة قال تعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة ثم بين وجه كونها أشد قسوة بقوله تعالى وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله الآية. وقال تعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم الآية وقال تعالى فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين فوصف أهل الكتاب بالقسوة ونهانا عن التشبه بهم. L'auteur rahimahullah ta'ala commence la première partie de cet écrit par ذم قسوة القلب والأدلة على هذه أو على هذا المرض. Afwan, donc l'auteur commence son écrit par le premier point du livre, qui est l'épreuve du blâme de la dureté du cœur, c'est-à-dire les textes qui nous montrent que parmi les mauvaises choses, il y a le fait d'avoir un cœur dur. Et il nous a cité ici trois versets. Pour commencer, il nous a cité trois versets. Le verset 74 de Sourate Al-Baqarah, le verset 16 de Sourate Al-Hadid et le verset 22 de Sourate Az-Zumar. Donc Al-Baqarah, Hadid c'est le fer, Az-Zumar les groupes. Puis leurs cœurs sont devenus durs. On parle ici de Banu Israël. Puis en dépit de cela, vos cœurs se sont endurcis. Ils sont devenus comme des pierres, ou même plus durs encore. Puis, là je traduis, puis on nous a expliqué en quoi leurs cœurs sont plus durs que cela, c'est-à-dire que les pierres. Avec la parole du Très-Haut, il y a des pierres d'où jaillissent les ruisseaux. D'autres se fendent pour surgir, pour qu'en surgisse l'eau. D'autres s'affaissent par crainte d'Allah. Et Allah n'est jamais, la suite du verset, وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Et Allah n'est jamais attentif, inattentif à ce que vous faites. Et Allah n'est jamais inattentif à ce que vous faites. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. C'est la fin du verset. Surat al-Baqarah, le verset 74. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre l'état ou bien ce qui a été ce qu'il est advenu des cœurs des gens de Banu Israël après qu'Allah subhanahu wa ta'ala les ait comblés de ses bienfaits, révélés de ses signes. Après tout cela, ils ne se sont pas soumis à Allah subhanahu wa ta'ala et se sont montrés ingrats. Que s'est-il donc passé? Thumma qasat qulubu. Alors leurs cœurs se sont endurcis. Naam. Comme l'a expliqué Ibn Kathir et Ibn Sa'di rahimahullah. Tayyib. Puis on nous dit, donc on nous dit ici que leurs cœurs sont semblables à la dureté des pierres. Naam. Ibn Sa'di rahimahullah ta'ala nous dit, et on a choisi les pierres qui sont plus dures que al-hadid, le fer, ou al-nuhas, c'est le plomb. Car certes le fer et le plomb, si tu le brûles, na'am, que se passe-t-il? Ça fond. Alors que les pierres ne fondent pas. Alors que les cœurs ne fondent pas. Les pierres ne fondent pas. Donc on a comparé la dureté de leur cœur, non pas au plomb, non pas au fer, mais à quoi? Aux pierres, subhanallah. Puis Allah subhanahu wa ta'ala ajoute, donc selon la traduction, ou ashaddu qaswa, ou encore plus dur. Donc soit vos cœurs sont durs comme des pierres, soit encore plus. Ça c'est une des explications. Une autre explication est de dire Non, mais encore plus dur que des pierres. Bima'ana bal. Dur autant que des pierres. Non, plus encore. Ani plus dur que des pierres. Puis on nous montre en quoi est-ce que les pierres sont meilleures que leur cœur. Subhanallah. Leurs cœurs ont atteint un niveau de dureté. Naam. De perversion et de maladie. À un point tel que même les pierres sont meilleures que leur cœur. En quoi Ibn Rajab nous dit que dans la suite du verset, Allah Azza wa Jal nous démontre cela. En nous disant, wa inna min al-hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar. Pourquoi? Car parmi les pierres, il y a des pierres d'où jaillissent les ruisseaux. Naam. Donc tu peux en tirer profit. Amma ce qalb, ce cœur qui est dur comme de la pierre, ou plus encore, tu ne tires pas profit de ce cœur. Quand il entend le Coran, il n'en tire pas profit. Quand il entend un rappel, il n'en tire pas profit. Quand tu le conseilles, il ne se réforme pas. Il ne tire pas profit du conseil. Même la pierre est plus utile et plus profitable, naam, que son cœur, qui ne réagit aucunement au rappel. Ça, c'est parmi les meilleurs des cœurs. Puis on nous dit, d'autres se fendent pour qu'en surgisse de l'eau. Ce sont des bons cœurs, mais moins bien. Et Annie, ils répondent moins au rappel que les premiers. À l'image d'un homme qui, à l'écoute du Coran, fond en larmes. Le deuxième, ses larmes ont coulé. Naam, ses larmes ont coulé. On nous cite une troisième catégorie de pierres. D'autres s'affaissent par crainte d'Allah. Naam. Et d'autres pierres se fendent par crainte d'Allah. On parle des pierres, on parle de jamadat, de choses à la base qui sont inertes. Pourtant, voici leur réaction. Et ce n'est pas une image, c'est réel. Haqiqatan. Naam. Tout comme on trouve dans le Coran des preuves de cela. Naam. Et dans la sunna également, une pierre peut réagir à l'évocation d'Allah. Un arbre peut réagir à l'évocation d'Allah. Allah nous dit dans le Coran par exemple, لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Si nous avions révélé ce Coran sur une montagne, tu l'aurais vu s'humilier et se fendre par crainte d'Allah. Là, on parle d'une montagne qui est grande, qui est solide, qui est dure. Et toi, t'as un qalb, t'as pas une montagne dans ton cœur. Donc si ton cœur ne réagit pas au rappel d'Allah Azza wa Jal, c'est très grave. As'Allah yamunna alayna bi quloubin salima. Naam. Parmi les pieux prédécesseurs, certains ont dit, qu'il n'y a pas une pierre, écoutez bien, il n'y a pas une pierre qui tombe du haut d'un mont sans que ce ne soit par crainte d'Allah. À chaque fois qu'il y a une pierre qui tombe d'un sommet, c'est parce qu'elle a eu peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit, wa inna hadha fil Qur'an. Il dit, cela est dans le Qur'an, il fait référence à ce verset. Naam. Et ça, c'est la parole de Mujahid ibn Jabr, rahimahullah ta'ala. Et sa parole, yani entièrement, si pour celui qui veut la noter, qala rahimahullah ta'ala, ma taradda hajar min ra'si jabal, wa la tafajjara nahrun min hajar, wa la kharaja minhu ma'un illa min khashyatillah. Nazala bithalika al-Qur'an al-Karim. Il nous dit, rahimahullah ta'ala, il n'y a pas une pierre qui tombe du haut d'une montagne, ni de l'eau qui sort, ou bien qui jaillit de pierre, ni de l'eau qui sort de pierre, sans que cela ne soit par la crainte d'Allah, sans que cela ne soit dû à la crainte d'Allah. Le Coran, dans le Coran, il y a la révélation de cela. Donc, les arbres, les pierres peuvent réagir à l'évocation d'Allah Azza wa Jal. Un exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait la khutbah et s'aidait d'un tronc. Il tenait un tronc et il faisait la khutbah. Ensuite, on lui a construit un minbar. Il a donc délaissé ce tronc et il a fait la khutbah sur le minbar. Quand il a fait cela, on a entendu des sons émanant du tronc semblables aux pleurs de l'enfant. Semblables aux pleurs de l'enfant. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a été envoyé en tant que miséricorde pour l'ensemble des mondes, est descendu du minbar. Il a serré le tronc comme le bien-aimé serre son bien-aimé. Et il nous a informé que les sons sont des pleurs dus à ce qu'elle entendait auparavant, ce qu'avant entendait le tronc, comme dhikrullah, comme évocation d'Allah Azza wa Jal. Al-Hassan al-Basri, lorsqu'il citait ce hadith, il disait aux croyants, vous les musulmans, vous êtes plus à même de pleurer que le tronc. Naam. Vous êtes plus à même, anta in, ou anta innu, bi dhikrillahi subhanahu wa ta'ala. Ou bima tasma'u min dhikrillahi subhanahu wa ta'ala. Voici pour le premier verset. Le second verset, قال الله سبحانه وتعالى ألم يأني للذين آمنوا أي ألم يجي الوقت أما آن الزمان أما آن الوقت ألم يأني للذين آمنوا Le moment n'est-il pas venu pour ceux qui ont cru que leur cœur s'humilie à l'évocation d'Allah devant ce qui est descendu de la vérité et de ne point être pareil à ceux qui ont reçu le livre avant eux. Ceux-ci trouvèrent le temps assez long et leur cœur s'endurcirent, et beaucoup d'entre eux sont pervers. قال الإمام السعد رحمه الله تعالى أي ألم يجي الوقت الذي تنيل به قلوبهم لذكر الله أي القرآن وما نزل من الحق ما جاء إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل أهل الكتاب فطال عليهم الأمد طال عليهم الزمان واستمرت به الغفلة فقست قلوبه. Donc le moment n'est-il pas venu pour ceux qui ont cru, pour les croyants, pour les musulmans, que leur cœur antakhsha'a qulubuhum, que leur cœur s'humilie, s'adoucisse, comme a dit Ibn Sa'd rahimahullah ta'ala, li dhikrillah, à l'évocation d'Allah, c'est-à-dire du Coran. Dhikrullah, c'est-à-dire le Coran. Et devant ce qui est descendu de la vérité, wa man nazala min al-haq, ce avec quoi nous est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل et de ne point être pareil à ceux qui ont reçu le livre avant eux, c'est-à-dire les gens du livre. Allah Azza wa Jal leur a laissé un long moment. Il leur a envoyé les messages, il leur a envoyé les signes. Malgré cela, ils se sont détournés de la vérité. Ils n'ont pas suivi les prophètes, n'ont pas secouru les prophètes, n'ont pas unifié Allah Azza wa Jal d'un culte sincère, n'ont pas eu la certitude dans la promesse d'Allah Azza wa Jal. Ils ont trouvé le temps long. Donc ils sont restés un long moment dans cet état-là. Ils n'ont pas répondu à l'appel d'Allah, n'ont pas été affectés par le rappel, n'ont pas cru en ces signes, leurs cœurs n'ont pas réagi. Que s'est-il passé? Leurs cœurs se sont endurcis. Et ils ne répondaient plus à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala, ni aux signes, ni aux versets, ni aux exhortations. Ils sont donc tombés dans l'une des pires des maladies qui est l'insouciance. Dans l'une des pires des maladies qui est l'insouciance. Naam. Écoutez ce qu'a dit Ibn Mas'ud radiallahu anhu suite à la révélation de ce verset. قال Ibn Mas'ud radiallahu anhu ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية إلا أربع سنين. Ibn Mas'ud radiallahu anhu nous dit, il n'y a pas eu plus de 4 ans entre notre islam et la révélation de ce verset pour qu'Allah nous rappelle à l'ordre. Sur le mada, Et yani, la douceur du cœur et la réaction devant le rappel d'Allah Azza wa Jalla. Pas plus de 4 ans après leur conversion à l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala les rappelle à l'ordre. Na'am. Ou bien les blâme avec douceur. Je ne sais quel mot utiliser pour traduire « atabana ». Si quelqu'un a une meilleure traduction, qu'il m'en fasse profiter. « Jazakallahu khair ». Na'am. Quatre ans. C'est-à-dire que 4 ans après leur islam, et donc le début de la révélation, Ibn Mas'ud fait partie des premiers convertis à l'islam. Il dit, je me suis converti, je me suis vu le 6e de 6. Allahu Akbar. Le 6e de 6. Na'am. Ha'ulahum al-ghuraba. Ce sont les gens qui ont vécu vraiment les difficultés de l'islam. Tu ne pouvais pas dire la ilaha illallah comme tu le fais ici, tu as assis, personne t'embête. Tu peux dire la ilaha illallah. Ibn Mas'ud, pour avoir lu le Coran et avoir dit « La ilaha illallah », ils l'ont agressé jusqu'à ce qu'il a failli mourir. Na'am. Il se faisait frapper, agresser pour son tawhid. Et aujourd'hui, rien ne t'empêche de venir apprendre ton dit. Et pourtant, peut-être que tu le fais avec paresse pour ceux qui le font. Wallahu al-musta'an. Donc, c'est comme si 4 ans après, ils avaient tardé à avoir la meilleure réaction devant les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. 4 ans après. Na'am. 4 ans après, est-ce que le Coran avait été révélé entièrement? Non. Une partie du Coran. Malgré ça, Allah azza wa jalla les interpelle avec ces termes. أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ. C'est comme s'ils avaient tardé. C'est comme s'ils avaient tardé, alors que ce sont les meilleurs des hommes après les prophètes et les messagers, les meilleurs à suivre les ordres d'Allah Azza wa Jalla et à délaisser les péchés. Non, mais parmi les meilleurs sujets à évoquer pour se motiver, c'est Surat Ustijabat al-Sahaba. Non, la rapidité qu'avait al-Sahaba dans la réponse aux ordres d'Allah Azza wa Jalla et au délaissement des péchés. Rappelez-moi de vous citer les textes sur cela. Il y avait déjà eu plusieurs khutab, mais c'est un sujet dont nous avons toujours besoin. Allah al-musta'an. Qala ibn Sa'd rahimahullah ta'ala, wa hadha fi al-hath 'ala al-ijtihad 'ala al-khushu' al-qalb. 'Ala khushu' al-qalb lillah ta'ala. Dans ce verset, on tire un encouragement. Na'am, on pousse les gens plutôt à faire des efforts afin d'avoir un cœur doux. Afin d'avoir un cœur qui s'humilie pour Allah le Très-Haut. Certains pourraient se dire, où sommes-nous nous devant les compagnons? Moi j'ai beaucoup de péchés, mon cœur ne réagit pas et ainsi de suite. Ils pourraient se dire, c'est trop tard pour moi et ainsi de suite. Non. Allah subhanahu wa ta'ala, après ce verset, nous donne de quoi ne pas désespérer de la miséricorde d'Allah azza wa jalla. Et savoir qu'Allah Azza wa Jal, tout comme il redonne la vie à la terre morte en faisant tomber la pluie, il redonne la vie au cœur dur et il soigne les cœurs malades. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal nous dit après cela, اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. Sachez qu'Allah redonne la vie à la terre après l'avoir, ou après qu'elle soit morte. Après qu'elle soit morte. Voilà pour ce verset. On nous met en garde contre la dureté du cœur, contre le fait de ne pas répondre à l'appel d'Allah Azza wa Jal, et on nous encourage à avoir un cœur doux et un cœur qui répond à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le troisième verset, wa qala ta'ala fawailu lil qasiyati qulubuhum min dhikrillah ulaika fi dhalalin mubin. Ça c'est la fin d'un verset. Le début du verset, فَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّنْ رَبِّهِ puis فَوَيْلُ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. Verset de Surat Az-Zumar. Ici l'auteur nous a cité Al-Shahid. Donc la partie dont nous avons besoin pour appuyer ce que l'on cite ici comme blâme pour la dureté du cœur. Mais le début du verset, donc la traduction, est-ce que celui dont Allah ouvre la poitrine à l'islam et qui détient ainsi une lumière venant de son Seigneur, ce qui est sous-entendu ici, est semblable à, puis on nous dit malheur donc, à ceux dont les cœurs sont endurcis contre le rappel d'Allah. Ou bien lors du rappel d'Allah. Ceux-là sont dans un égarement évident. C'est-à-dire qu'ici, il y a une comparaison. Ce qui est sous-entendu ici, c'est une comparaison entre les cœurs vivants et les cœurs malades ou morts. Afaman sharah Allahu sadrahu lil-islam. Est-ce que celui dont Allah ouvre la poitrine à l'islam et qui détient ainsi une lumière venant de son Seigneur, ça c'est la personne à qui Allah Azza wa Jalla a fait aimer l'islam, a élargi sa poitrine. Il accepte tout ce qui vient d'Allah, il se soumet, il obéit. Il fait ce qu'Allah lui commande, il délaisse la désobéissance. Il fait tout cela avec science. Est-ce que celui-ci est semblable à celui qui a le cœur dur et donc qui, lorsqu'on lui donne un ordre, il ne veut pas le faire, quand il entend un interdit, ça ne lui plaît pas, il est renfermé, il n'aime pas les ordres, les interdits, il le rappelle. Puis on nous dit malheur donc à ceux dont les cœurs sont endurcis contre le rappel d'Allah. Le malheur, c'est une menace. Naam, c'est une menace pour qui? Pour ceux qui ont le cœur dur. Et on nous dit ici, لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ. Ils ont les cœurs durs, مِنْ يعني قُلُوبُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ مِنْ فُسِّرَ بِمَنْ مَاذَا بِعَنْ. Ils ont les cœurs durs du rappel d'Allah. Certains savants disent ici, min a le sens de an. C'est-à-dire, ils ont le cœur dur, comment est-ce qu'ils ont traduit? Contre le rappel d'Allah. Naam, contre le rappel d'Allah. Ay indahum nufra wa i'rad an dhikrillah. C'est-à-dire qu'ils ont de la répulsion, ils s'éloignent et ils fuient le rappel d'Allah. Cela a causé la dureté de leur cœur. Voici l'explication. Si on dit que min a le sens de an. D'accord? D'autres savants ont dit, le sens ici n'est pas celui-ci, ou englobe un autre sens, c'est que le rappel d'Allah provoque cette réaction. Naam, le rappel d'Allah, c'est quand ils entendent le Coran, ils entendent le rappel, ils entendent les hadiths. Ben c'est ce qui provoque même, yani c'est cela même qui provoque la dureté du cœur. Comme on nous dit dans le verset, وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. Lorsqu'Allah est cité seul, c'est-à-dire le tawhid, naam, ils n'aiment pas ça. Donc au moment où ils entendent cela, leurs cœurs ont de la répulsion. Ils n'aiment pas le tawhid. Ils n'aiment pas être tawhid. Wal-i'yadu billah. Subhanallah, la chose qu'on aime le plus au monde, c'est ce qu'ils détestent le plus. Naam, ça c'est le pire châtiment. Que ton cœur ne s'apaise pas à l'évocation d'Allah. Que ton cœur n'est pas être tawhid. Ne comprenne pas être tawhid. Ils n'aiment pas être tawhid. Ne penche pas vers être tawhid. Ça c'est le pire châtiment fi dunya. D'avoir un état du cœur comme ça. Ça c'est qaswatul qalb à l'état pur. C'est qu'il soit vidé de tawhid. Qu'il soit vidé de tawhid wal iyadu billah. Bima'na an, comme l'a expliqué l'imam al-Tabari, rahimahullah ta'ala. Et d'autres ont dit min ajli dhikrillah. Bima'na min ajli dhikrillah. Et d'autres ont dit c'est al-i'rad an dhikrillah. في هذه الآية تهديد لمن لا تلين قلوبهم عند سماع ذكر الله ولا تطمئن عند سماعه بل هي معرضة عن ربها وتلتفت إلى غيره. Dans ce verset, vous retiendrez qu'il y a une menace adressée à ceux dont les cœurs ne s'adoucissent pas et ne se tranquillisent pas à l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il se détourne plutôt de lui pour se diriger vers autrui. C'est ce qu'a dit Ibn Sa'd rahimahullah ta'ala. Donc il y a bien ici un tahdhir, une mise en garde. Contre quoi? Contre les cœurs durs. Suite à tous ces versets, l'auteur rahimahullah ta'ala nous dit: وَوَصَفَ أَهْلَ الْكِتَابِ بِالْقَسْوَةِ وَنَهَانَ عَنِ التَّشَبُّهِ بِهِ. Il a donc décrit les gens du livre par la dureté. La dureté des cœurs. Et nous a interdit de leur ressembler. Naam, il nous a interdit de leur ressembler. On ne parle pas, lorsqu'on parle de cette interdiction, que de la ressemblance apparente. Naam, ou dans le fait de faire les mauvaises choses. Non. Mais il y a aussi dans le cœur, dans l'état du cœur. Donc ils ont été décrits par la dureté du cœur, tu dois avoir le contraire. Tu dois avoir le contraire, la douceur du cœur. Ton cœur doit répondre au rappel et ne pas ressembler au cœur des gens du livre. Naam, ça c'est un point important qu'il faut retenir. قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. Celui qui ressemble à un peuple, il en fait partie. Et tout comme on nous a interdit donc la ressemblance apparente, il y a aussi la ressemblance intérieure. Comme le fait d'associer Allah Azza wa Jal, comme le fait d'avoir une mauvaise opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme le fait de placer sa confiance en autre qu'Allah Azza wa Jal, comme le fait de craindre autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, comme al-hasad, comme l'envie et la jalousie, comme al-rishw wal-ghil, comme la tromperie, na'am, comme la trahison et d'autres maladies du cœur. Tout cela nous est interdit. Puis l'auteur nous dit, قال بعض السلف لا يكون أشد قسوة من صاحب الكتاب إذا قسى. Certains parmi les pieux prédécesseurs ont dit, et tu ne trouveras pas plus dur que celui qui a le livre lorsqu'il durcisse, lorsqu'il deviendra dur. Ici, il y a des mots qui sont sous-entendus. C'est-à-dire, tu ne trouveras pas plus dur, tu ne trouveras pas un cœur plus dur. Naam, tu ne trouveras pas un cœur plus dur. Min sahib al-kitab, ay min sahib al-ilm. Que l'homme de science, tu ne trouveras pas un cœur plus dur que le cœur de l'homme de science, du savant. Idha qasa, lorsqu'il s'endurcit. Pourquoi? Car il s'est égaré avec science. Et celui qui s'égare avec science, il reste volontairement dans le batil, dans le faux, alors qu'il a la connaissance de la vérité. Alors qu'un ami, une personne de la population, ou un ignorant, il commet des choses, mais il n'a pas reçu ta science, il n'a pas reçu la science du savant. Donc il se peut que, en entendant une khutbah, un conseil, en écoutant un verset, en méditant une parole, que son cœur bouge, que sa peau frémisse, que ses larmes coulent, qu'il se repente, revienne vers Allah Azza wa Jal et délaisse ses péchés. Immédiatement. Naam. Alors que lui, c'est un savant. Il connaît le Coran peut-être par cœur. Il vient au masjid et étudie peut-être 3 fois dans la semaine ou plus. Il se lève dans la nuit. Naam. Peut-être même qu'il enseigne. Si il s'égare, son cœur sera plus dur que les autres cœurs. Allah al-musta'an, sallallahu yatub alayna wa yaghfir lana wa an yulayyina qulubana wa in lam nakun min ahli al-'ilm, min ahli al-'ilm. Donc le croyant doit constamment observer l'état de son cœur. Il doit constamment observer et s'enquérir de l'état de son cœur afin de pouvoir le réformer le plus rapidement possible à chaque fois qu'il y trouvera une imperfection, une maladie. Ainsi, il pourra faire partie des gens en cœur vivant. Après avoir entendu ces textes et après avoir su que tu dois être caractérisé par le contraire, écoute maintenant la description qui a été faite des alliés d'Allah, des bien-aimés d'Allah, des croyants. Naam. قال سبحانه وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع. رواه مسلم من حديث زيد بن الأرقم. Écoute maintenant donc la description des serviteurs pieux. Allah Azza wa Jal nous dit selon la traduction, les vrais croyants sont seulement ceux qui, lors de l'évocation d'Allah, ont les cœurs qui bougent. Dans un autre hadith, dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoquait Allah et disait: oh Allah, je cherche protection près de toi afin de ne pas avoir une science inutile, afin de posséder plutôt une science qui est inutile, qui n'est pas profitable, et d'avoir un cœur qui ne s'humilie pas. Rapporté par l'imam Muslim, selon Zayd ibn al-Arqam. Et ton cœur ne doit pas être plus dur que les montagnes, comme tu l'as entendu dans le verset de Sourate al-Hashr, le grand rassemblement. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل, si nous avions révélé ce Coran sur une montagne, رأيته خاشعا, tu l'aurais vu s'humilier, متصدعا, se fendre, من خشية الله, par crainte d'Allah. Et lorsque le croyant entend ces versets et ceux qui ressemblent à ces versets, il doit se poser la question: quel cœur moi je possède? Et quel est l'état de mon cœur lorsque j'écoute du Coran, lorsque je fais la prière, lorsque j'entends un rappel, lorsque j'assiste à un cours, à une exhortation, quand je commets un péché suite à avoir fait une bonne action? Est-ce que je ressens le délice suite à avoir fait un péché? Naam, est-ce que je ressens la tristesse? Naam, est-ce que je me sens mal? Est-ce que je pleure? Est-ce que je regrette? Et ainsi de suite. Tu dois chercher l'état de ton cœur. Allah Azza wa Jalla nous dit: Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah. Ceux qui ont eu la foi et dont les cœurs s'apaisent à l'évocation d'Allah. Ala bi dhikrillahi tatma'innu al-qulub. N'est-ce pas avec l'évocation d'Allah que les cœurs s'apaisent? Famin صفات ذوي القلوب السليمة الحية. Donc parmi les caractéristiques des gens ayant des cœurs vivants, saints, إنهم إذا سمعوا الذكر توجى القلوب وتدمع أعينهم وتقشعر جلودهم. Trois choses, entre autres. Leur cœur bouge et tremblent, leurs larmes coulent et leurs peaux frémissent. Le premier verset, nous l'avons cité, je ne me trompe pas, au début de Sourate al-Ma'ida. Dans quel verset est إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ. Naam. Au début de quelle sourate? Al-Anfal. Jazakumullah khair. Début de Sourate al-Anfal. Est-ce que nous sommes aussi loin du Coran que cela? Il y a un verset dans l'assemblée, on tarde à dire où est-ce qu'il est. Il faut qu'on lise plus le Coran, qu'on mémorise le Coran, qu'on s'assied avec le Coran. Le Coran n'est pas à lire que pendant le mois de Ramadan. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Les vrais croyants sont seulement ceux qui, lorsqu'Allah est cité, leur cœur bouge. Et lorsqu'on leur récite ces versets, leur foi augmente et c'est en leur Seigneur qu'ils placent leur confiance. Dans un autre verset, وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. Et lorsqu'ils entendent ce qui a été révélé au messager, tu vois leurs larmes couler. Naam, tu vois leurs larmes couler de ce qu'ils ont reconnu de la vérité. Même les gens du livre, parmi ceux qui ont eu foi Allah Azza wa Jalla, ont suivi Isa lorsque le Coran leur est parvenu. Naam. Ils ont entendu le Coran, ils ont pleuré, ils se sont soumis, ils ont reconnu la vérité et embrassé l'islam. Et dans Surat Az-Zumar, le verset 23, Allah nazzala ahsan al-hadith kitaban mutashabiha mathani taqashairu minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. Allah Azza wa Jalla dans ce verset nous informe qu'il a révélé le meilleur récit. Un livre dont les versets se ressemblent. La peau de ceux, ou bien leur peau frémisse par crainte d'Allah ou de leur Seigneur, puis elle s'adoucit. C'est-à-dire lorsqu'ils entendent les versets sur les menaces, les punitions, tout ce qui nous amène la peur, voici leur état, leur peau yani frémit. Et lorsqu'ils entendent des versets sur l'espoir, sur le pardon, sur le paradis, à ce moment-là, leur cœur se tranquillise et s'adoucisse. قال ابن كثير هذه صفات الأبرار عند سماع كلام الجبار المهيمن العزيز الغفار لما يفهمون منه من الوعد والوعيد والتخويف والتهديد تقشعر منه جلودهم من الخشية والخوف ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله لما يرجون ويؤملون من رحمته ولطفه. Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, nous dit concernant ce verset, voici les caractéristiques des personnes pieuses, des meilleures. Lorsqu'ils entendent la parole du dominateur suprême, du puissant, du grand pardonneur, de par ce qu'ils comprennent de lui comme menace et promesse, comme choses qui font peur et comme menace, leur peau frémit par crainte d'Allah, puis elle s'adoucit au rappel d'Allah de par ce qu'ils espèrent comme miséricorde et comme douceur auprès de lui. Puis l'auteur rahimahullah ta'ala continue et nous dit wa qala, ou pour revenir à la parole du plus prédécesseur, il n'y a pas cœur plus dur que celui de la personne de science lorsqu'il devient dur. Dans le Coran, Allah Azza wa Jalla nous a mis en garde contre le fait de ne pas appliquer la science. Et a cité des paraboles pour cela. Et a comparé ces gens-là à des animaux, aux ânes et aux chiens. Na'am, مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. Allah Azza wa Jalla nous dit, selon la traduction dans sourate Al-Jumu'ah, ceux qui ont eu la Torah, puis ne l'ont pas mise en pratique, sont semblables à l'âne qui porte une charge. Non. Comment cela? C'est-à-dire que celui qui a une science, mais elle ne lui a pas été profitable, est semblable à un animal à qui on fait rappel. Ou bien qui possède des livres et des choses dans lesquelles il y a du bien. Mais lui n'en tire pas profit. Si tu prends des livres et tu les mets sur le dos d'un âne, est-ce que l'âne peut en tirer profit? Non. S'il y a une bête devant toi et tu lui dis « Taqillah, crains Allah », est-ce qu'elle va en tirer profit? Non. L'homme qui a de la science et qui ne tire pas profit de sa science est semblable à cela si ce n'est pire. Naam. Allah Azza wa Jalla dans d'autres versets nous dit « Bel hum adhal » mais ils sont plutôt plus égarés encore. Mais ils sont encore plus égarés. Pourquoi? Car les animaux n'ont pas l'aql, la raison pour tirer profit des textes. Et dans Sourate Al-A'raf, il y a un autre verset qui nous montre la gravité de ne pas mettre en pratique sa science. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans plusieurs hadiths nous cite cela. Puis l'auteur nous dit rahimahullah ta'ala wa fi at-Tirmidhi min hadith ibn Umar qala radiyallahu anhuma qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la tukthiru al-kalam bighayri dhikrillah fa inna kathrata al-kalam bighayri dhikrillah qaswatun lil-qalb. وَإِنَّ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ اللَّهِ الْقَلْبُ الْقَاسِي. Non. Et dans le recueil de l'imam al-Tirmidhi, le hadith du fils de Omar, c'est-à-dire Abdullah ibn Omar radiallahu anhuma, il dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, « La tukfiru al-kalama bi ghayri dhikrillah. » Ne parlez pas avec abondance sans que cela ne comprenne le rappel d'Allah. Ne parle pas beaucoup s'il n'y a pas dhikrullah. S'il n'y a pas l'évocation d'Allah. « Fa'inna kathrat al-kalama bi ghayri dhikrillah. » Car certes, le fait de beaucoup parler sans évoquer Allah, « qaswatun lil qalb. » est une dureté du cœur, amène la dureté du cœur. Wadah. Wa inna ab'ada an-nas. Et ceux qui sont le plus éloignés min Allah, d'Allah, al-qalb al-qasi. Sont ceux qui ont les cœurs durs. Sont ceux qui ont un cœur dur. هذا الحديث ضعفه الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الضعيفة وقبله الترمذي. Ce hadith là a été rendu faible par l'imam al-Tirmidhi. Il a dit que c'est un hadith gharib et l'imam al-Albani également a dit qu'il était faible. Même si les savants ont dit que le sens est authentique. Et l'explication de cela est, ou bien consiste à dire, que tuma'ninatul qalb bi dhikrillah. Faman shughila 'an dhikrillah qasa qalb. Les savants expliquaient cela en disant, la douceur du cœur vient avec l'évocation d'Allah. Donc celui qui évoque peu Allah ou pas Allah aura le contraire, c'est-à-dire la dureté du cœur. Et on remarque ici, la tukthirul kalam, yani kathratul kalam, comme ça viendra prochainement, inshallah ta'ala, c'est de beaucoup parler. Mais de peu parler, s'il n'y a pas de mauvaises paroles, n'amène pas cet effet. Selon l'intention de la personne. Le détail de cela viendra, inshallah ta'ala, dans Asbab Qaswati al-Qalb, inshallah ta'ala. Un second hadith, wa fi musnad al-Bazzar, an Anas, radiallahu anhu, an al-Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, قال أربعة من الشقاء جمود العين قساوة القلب وطول الأمل والحرص على الدنيا ذكره ابن الجوزي في الموضوعات من طريق أبي داود النخعي الكذاب عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس. Et dans le recueil de Al-Bazzar, selon Anas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, quatre choses font partie de la perte ou bien du malheur. La sécheresse des yeux. Peut-être que la personne ne pleure pas. Elle pleure pas lorsqu'elle entend le Coran ou lorsqu'elle fait un péché ou dans la prière. Son cœur ne réagit pas, donc les larmes ne tombent pas. La dureté du cœur. Le fait de se voir une longue espérance de vie, le fait de voir qu'on a la vie devant nous et qu'il y a du temps, et le fait d'avoir faim de ce bas monde, aller de mettre tous les efforts pour obtenir la dunya, de tout entreprendre pour obtenir la dunya, le fait d'être motivé dans l'acquisition de la dunya. Ibn al-Jawzi a cité cela dans les hadiths inventés. Donc Ibn Rajab cite ce hadith, mais ça n'est pas tout ce qui est cité par un savant qui a été cité par ce savant car il est authentique. Non, des fois les savants citent une chose pour te dire que cela est faux. Naam, il y a même des livres qui ont été écrits pour réunir des hadiths faibles. Pour informer les musulmans, attention, ce hadith n'est pas la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Et dans le din, tu expliques aux gens le bien et tu les appelles au bien. Mais tu leur expliques également le mal et tu les mets en garde contre eux. Tu les mets également en garde contre le mal. Et Ibn Rajab nous cite ce hadith et nous montre qu'il est faible. Et il fut dit, celui qui a cité la source est déchargé du problème. Celui qui a cité la source, men asnada, faqad bari'at dhimmatu. Naam, c'est une expression chez les saints. Donc ce hadith n'est pas authentique. Mais ces choses-là sont citées dans d'autres textes. On trouve cela dans les paroles des gens de science. قالت ذهبي حديث المنكر. Puis l'auteur rahimahullah ta'ala nous dit, et on finira sur cela, وقال مالك بن دينار ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب. ذكر ابن عبد الله أو عبد الله بن أحمد في الزهد. مالك بن دينار, un des anciens rahimahullah ta'ala, nous dit, il n'y a pas un châtiment plus immense qui a été donné aux serviteurs que la dureté du cœur. On n'accorde pas, ou on ne châtie pas un serviteur par un châtiment plus douloureux, plus grand plutôt, plus immense, plus grave que la dureté du cœur. La dureté du cœur, c'est une punition. Naam, lorsque les gens désobéissent à Allah Azza wa Jal, on les punit par cela. Ben ici, Malik ibn Dinar, et l'auteur nous cite des athars depuis prédécesseur pour nous montrer comment est-ce que les salafs faisaient attention à leur cœur et comment est-ce qu'ils ils considéraient cette maladie du cœur. Pour eux, c'était une chose catastrophique, un grand malheur. Au point de dire ici qu'on n'a pas mis un châtiment ou une punition plus grande aux serviteurs que la dureté du cœur. Abdullah, le fils de l'imam Ahmed, l'a cité dans le livre Az-Zuhd. قال حذيفة المرعشي ما أصيب أحد بمصيبة أعظم من قساوة القلب رواه أبو نعيم. Un autre nous dit, personne n'a été touché d'un mal plus grave que la dureté de son cœur. Que la dureté de son cœur. Apporté par Abu Nu'aym. Pourquoi cela, chers frères, hafizakumullah ta'ala? Car celui qui a un cœur dur, na'am, la lumière émanant d'Allah Azza wa Jal ne pénétrera pas dans son cœur. Il ne tirera pas profit des signes d'Allah Azza wa Jal. Il ne profitera pas du Coran. La chose qui, si elle avait été révélée sur une montagne, l'aurait fendue et tu l'aurais vu s'humilier, mais lui, sur son cœur, ça ne donnera pas d'effet. Donc ça, c'est un musib arim. Ça, c'est un malheur, c'est une punition. Le fait que le cœur ne réagisse pas. Naam, le fait que le cœur ne réagisse pas à l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne profite pas du rappel d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et parmi la punition, dans la punition et le malheur dans le malheur, c'est le fait de ne même pas savoir que tu es touché par cette chose qui est pire que le cancer. Naam, dans quel état sont les gens qui découvrent qu'ils ont une maladie grave? Naam, dans un état, yani, très grave, si ce n'est que leur foi en Allah Azza wa Jal et le fait de placer leur confiance en Allah Azza wa Jal atténue la douleur. Na'am, ils prennent du recul, ils savent que cela vient d'Allah Azza wa Jal et que celui qui patiente, Allah lui accorde le bien. Et donc tout ce qu'Allah fait, c'est le « il y a du bien » wa hakada. C'est une chose très difficile. Ben sache que la dureté du cœur, c'est une musiba plus grande, plus grave que celle-ci. La maladie obstrue ton rapport avec la santé et des actions dunawiyya. Mais cette maladie du cœur obstrue ton rapport avec Allah Azza wa Jal. Quelle est la chose la pire? Quelle est la pire chose? Hein? C'est le fait d'avoir du mal à avoir un rapport avec Allah subhanahu wa ta'ala, l'évoquer, le louer, prier, na'am, et ainsi de suite. Wallahu musta'an. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, inna al-abrar la fi na'im wa inna al-fujjar la fi jahim. Les bons seront dans des délices, dans des paradis. Et les mauvais seront dans les ténèbres. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit, dans les trois demeures, les gens du bien seront dans les délices, et dans les trois demeures, les gens du mal seront dans les ténèbres, ou bien dans les enfers. Dans ce bas monde, dans la tombe et dans l'au-delà. Donc, qaswatul qalb, la musiba qu'ils ont, que nous avons, c'est que ça nous touche dans ce bas monde, dans la tombe et yom al-qiyamah, si on ne se libère pas de cette maladie. Naam. Et dans la maladie, le fait d'ignorer, dans la musiba, le fait d'ignorer que tu es malade. La personne est tellement malade que son cœur est mort, donc elle ne ressent plus les blessures. Naam, elle ne ressent plus les blessures et les coups que lui portent le shaitan et ses passions et son nafs. Naam. Et il se peut même qu'il te dise, moi, alhamdulillah, j'ai pas de péché, moi, je prie, je jeûne et je vais bien et je n'ai pas de maladie du cœur et kada et kada et kada. Alors que sa vie, c'est des péchés. Alors qu'il se réveille dans le haram, il dort dans le haram, ses vêtements sont haram, il mange du haram, il fréquente les gens dans le haram, dans ses assises, il parle dans le haram, ou bien il écoute le haram, il répète le haram. Naam, sa vie est dans le haram. Et il pense qu'il va bien. Donc ça, c'est une maladie dans sa maladie, c'est qu'il est ignorant de sa maladie. D'où l'importance d'étudier ce livre. Il est ignorant de sa maladie. Puis lorsqu'il découvre un peu de sa maladie, comment est-ce qu'il se soigne? Il a pris un premier verre d'alcool pour rentrer dans l'ambiance des gens du faux. Et maintenant, il prend des verres d'alcool pour se soigner. Donc lui, sa méthode, c'est de repousser la maladie. Du moins, l'effet de la maladie. Il se soigne avec son péché. Il a mal, qu'est-ce qu'il fait? Il va dans le péché. Ça atténue selon lui. Shaitan lui fait miroiter cela. Ensuite, il refait le péché quand ça revient, et ainsi de suite. Naam, alors que cela ne fait qu'accroître sa maladie. Et ainsi, il pense qu'il n'est pas malade, parce qu'il ne ressent pas. Naam, alors parce qu'il ne, il ne ressent pas. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala un cœur vivant. Tous ces textes nous ont montré la gravité de la maladie du cœur et qu'il nous faut nous purifier de cette maladie et ne pas ressembler aux gens qui nous ont été décrits dans le Coran comme ayant des cœurs durs. On doit plutôt être caractérisé par ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala, des cœurs vivants qui répondent à l'appel d'Allah azza wa jal, des yeux qui, dont les larmes coulent par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, des cœurs qui frémissent et les autres choses qui ont été décrites dans le Coran. As'alullah al-Karim أيمن علينا بقلوب صالحة زكية سليمة وأن يرزقنا علما نافعا وألسنة صادقة وقلوبا سليمة ونعوذ بالله من قلوب لا تخشع اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين اللهم اشف مرض قلوبنا اللهم اشف مرض قلوبنا اللهم اشف مرض قلوبنا اللهم ارحم امهاتنا اللهم ارحم امهاتنا اللهم اصلح ذرياتنا اللهم اصلح ذرياتنا وازواجنا والمسلمين والمسلمات والله اعلم وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والحمد لله